la déclaration de revenus. Quand t'es venu me faire la tienne, moins comptable, bien entendu. J'étais soucieuse, très concentrée sur un calcul. Je me suis dit, c'en est peut-être un bon, il faut étudier la question. Tu me tends la main, je la serre fort, elle me rassure, elle est mon port. Mais pour ton nom, j'avoue que j'oscille, à prononcer, c'est pas facile. J'étais anxieuse en calculant les frais réels. Quand tu m'as dit que frais non plus, ça ne faisait pas sauter au ciel. J'étais malicieuse à recompter les parts fiscales. Quand tu m'as dit qu'on pourrait peut-être aller s'unir à la montagne. Tu me tends la main, je la serre fort, elle me rassure, elle est mon port. Mais pour ton nom, j'avoue que j'oscille à prononcer, c'est pas facile. J'étais songeuse en déduisant ta pension. Je me suis dit qu'il était peut-être temps que nous pensions à notre union. J'étais heureuse que tu ne me l'imposes pas. On l'est déjà assez comme ça, imposé par notre cher État. Tu me tends la main, je la serre fort, elle me rassure, elle est mon port. Mais pour ton nom, j'avoue que j'oscille, à prononcer, c'est pas facile. Je suis amoureuse, depuis que je sais, la chance que j'ai. De faire l'objet d'une aussi belle et précieuse déclaration. Tu me donnes ta main, je la serre fort, elle me rassure, elle est mon port. Et pour ton nom, ça y est, c'est décidé, je suis fin prête à l'adopter.